Imaginons la scène. Le Seigneur Jésus est assis dans le temple, entouré du peuple qui l'enseigne. Subitement, des religieux surviennent, traînant une femme avec eux. Ils l'ont surpris en flagrant délit d'adultère. Dans le but de tendre un piège au Seigneur, ils lui demandent s'il faut ou non lapider cette femme comme Moïse l'a ordonné. Le Seigneur ne voulait pas se mêler de leurs questions de justice et n'a rien répondu. Ils ont dû devenir pas mal nerveux, ces hommes imbus d'eux-mêmes, avec leur triste trophée qu'ils étaient allés dénicher quelque part. Ils attendaient la réponse du Seigneur. S'il était d'accord avec la condamnation à mort, alors comment pouvait-il être le Messie miséricordieux? Si au contraire, il se montrait indulgent, alors il pourrait l'accuser de mépriser la loi de Moïse. Ensemble, ils criaient en flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce que c'est que l'adultère? Une relation sexuelle entre un homme marié et une femme qui n'est pas la sienne, ou entre une femme mariée et un homme qui n'est pas son mari. Cependant, d'après l'enseignement biblique que celui de Moïse dans la loi, celui de Jésus dans le sermon sur la montagne et celui des apôtres dans les épîtres, toute impureté sexuelle, toute relation en dehors des liens du mariage est adultère. Est-ce possible? Cette conception est contraire aux normes morales acceptées par la société aujourd'hui et par nos législateurs. Comment, par exemple, veut-on combattre le sida? Qu'en pensent les spécialistes chargés de la santé publique et les hommes d'État? Il vous suffit de prêter attention aux masses médias et vous le saurez. Dans ce programme de radio, et en tant que chrétien, nous ne reconnaissons que les normes des saintes Écritures. Le Seigneur parlait de son époque comme d'une génération méchante et adultère. Quelle appréciation fait-il de notre temps où on se moque ouvertement d'une idée aussi dépassée que celle de vouloir confiner le sexe au cadre strict du mariage? Mais quelle bande d'hypocrites, ces scribes et ces pharisiens! Ils faisaient la police, ils pointaient le doigt avec dédain vers cette femme. Bien que d'après la loi romaine, alors en vigueur, ils n'avaient pas le droit de mettre une personne à mort. N'en avaient-ils pas envie? En tous les cas, ils criaient au scandale et se plaisaient à humilier cette femme au milieu du peuple. En même temps, ce cas leur donnait l'opportunité de tendre un piège au Seigneur. Quelle que soit la réponse qu'ils donneraient, ils étaient sûrs de pouvoir l'accuser. L'impatience d'avoir cette réponse les rongeait. Et lui, le Seigneur, assis, écrivait avec le doigt sur la terre. Peu importe ce qu'il écrivait, nous l'ignorons. Mais il faisait attendre les accusateurs. Il ne voulait prononcer aucun verdict. Ses détracteurs ne tenaient plus en place. Il continuait à l'interroger. Dans une certaine occasion, Jésus avait traité ces gens de sépulcres blanchis et il disait à ses disciples « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Matthieu 16, 6. Et dans l'évangile de Luc, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. » C'est en vain que ces hommes attendaient une prise de position, un oui ou un non par rapport à la question qu'ils avaient posée. Mais une réponse est venue, inattendue, bouleversante, toute divine. Elle a dû atteindre comme une flèche leur cœur tortueux, méchant et hypocrite. « Que celui de vous, qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Ces paroles ont atteint en plein leur cible. Sans péché? Qui d'entre eux l'était? Peut-être n'avait-il pas commis d'adultère à l'exemple de cette femme. Mais les autres commandements? Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Jacques 2, 10. Et ces paroles de l'apôtre Paul ne sont-elles pas appropriées à cette circonstance ? Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Romains 3, 19. Ou encore, si on considère le septième commandement sur l'adultère à la lumière de l'interprétation que Jésus en donne. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Matthieu 5, 28. Dans ce cas-là, et à cette lumière, ces accusateurs religieux et moralistes étaient-ils vraiment indemnes ? Le fait est que, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Nous aurions pu intituler notre émission « Des hommes réduits au silence ». Oui, ces ennemis acharnés du Seigneur ont été réduits au silence. Oh, si en cet instant, quelques auditeurs pouvaient être amenés à la réflexion et au silence, afin que Dieu puisse leur faire grâce. Revenons à la femme, seule, là au milieu, avec Jésus qui lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamnée ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Maintenant, chers amis, à l'écoute de notre programme, faites très attention de ne pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Même si ces hommes étaient bas et hypocrites, cela ne voulait nullement dire que Dieu justifie l'adultère. Dieu condamne toujours le péché, de quelque nature qu'il soit. Mais Dieu veut toujours faire grâce aux pécheurs. Que s'est-il passé dans le cœur de cette femme ? Le texte est laconique. D'abord, nous sommes surpris de la manière respectueuse avec laquelle cette femme, amenée de force à cet endroit, répond à Jésus « Non, Seigneur ». Le deuxième fait surprenant, c'est que sans qu'il y ait une confession audible et une repentance visible, le Seigneur prononce son absolution. « Je ne te condamne pas non plus. » Peut-on parler d'absolution, puisque le Seigneur ne lui dit pas « Tes péchés te sont pardonnés » Est-ce que ne pas condamner n'équivaut pas à absoudre? Je ne puis guère le voir autrement. En aucune manière le Seigneur n'a excusé le péché. Ni cette femme ni personne d'autre ne peut être absous de ses péchés s'il n'en est pas convaincu. Si le clergé accusateur était malgré son aveuglement convaincu de son péché, mais sans repentance pour autant que nous le sachions, à combien plus forte raison cette femme aura-t-elle mesuré la gravité de sa faute? Nous ne pouvons pas croire que le Seigneur aurait parlé à cette femme comme il l'a fait si elle n'avait pas eu conviction de ses péchés pour se repentir. Quelqu'un parmi nos auditeurs se trouverait-il dans une situation semblable à celle de cette femme? Êtes-vous en difficulté? Vous êtes dans des problèmes de ce genre? Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, 23. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Jésus est mort pour vous. Il a répandu son sang pour la rémission de votre péché. Croyez-le maintenant. Quelle est la preuve de ce que nous venons d'affirmer sur le pardon et la délivrance de la condamnation de cette femme? Saint tout petit mot. Va et ne pêche plus. Or cela, elle ne pouvait le faire qu'en étant pardonnée et délivrée. Nous ne sommes pas sauvés par de bonnes résolutions, mais étant sauvés à l'exemple de cette femme, nous ne pouvons retourner à la vie de péché, loin de là. La parole « va et ne pêche plus » s'adresse à chacun de nous. Ne prenez pas le péché à la légère. Si votre vie n'est pas en ordre, venez à Christ tel que vous êtes. Combien plus le sang de Christ purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Hébreux 9, 14. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Épître de Jean, chapitre 1, verset 7. Venez à lui, là où vous êtes. Si vous avez besoin de secours, écrivez-nous et nous ferons de notre mieux pour vous aider.